Chapitre 12. Le lendemain matin, la diligence déposa dans la poussière de M les deux jeunes voyageurs, brisés de fatigue et dévorés d'inquiétude. Si l'on s'imaginait de courir après eux, que deviendraient-ils ces oiseaux envolés? C'est avec des mines de conspirateurs qu'ils quittèrent la station de poste, pendant que leurs compagnons de route prenaient un repas détestable et qu'ils se dirigèrent vers le monastère. Et si le père Archimandrite nous met à la porte? Demanda Victor, toujours disposé à voir tout en noir. Nous nous en irons, répondit Demian. C'était lui qui avait gagné l'optimisme de Groucha, tandis que son frère devenait de plus en plus craintif. Les jambes de Demian faisaient de plus rapides enjambées que celles de Victor. Il s'en aperçut, ralentit le pas, et passa le bras de son frère sous le sien. Vois-tu, dit-il, il fait beau, le soleil nous accompagne. J'ai le cœur plein de chansons. Tous les airs de mon violon me dansent dans la tête. » Ils atteignirent bientôt le monastère et furent reçus dans la maison des pèlerins par un frère laid à la mine avenante. Tout monastère possède sa maison de pèlerin, située à l'un des angles du quadrilatère formé par le territoire du couvent. Ceux qui s'arrêtent dans cette ville et qui ne peuvent pas payer l'auberge, les malades, les fatigués, sont accueillis là, pourvu qu'ils aient une apparence honnête et suivant leur position sociale, obtiennent une place au dortoir, sur le plancher de sapin, ou une chambre particulière, au choix de l'économe. Ceux qui n'ont pas de quoi manger sont nourris par les moines. Les autres prennent leur repas à leur guise, soit en le faisant venir du dehors, soit en le préparant eux-mêmes. Les malades s'adressent à la pharmacie du couvent et sont le plus souvent guéris en peu de jours, leur plus grand mal étant la fatigue. Demian écrivit sur un petit morceau de papier « Demian Markov, humble pêcheur, se présente devant le père Archimandrite pour lui demander sa bénédiction et l'envoya porter à l'intérieur du couvent. 5 minutes après, le frère reparut, riant malgré lui, sans doute de ce qu'il venait d'entendre. « Par ici, mon jeune monsieur, » dit-il en ouvrant une porte qui donnait dans un jardin. « Vous trouverez le père Archimandrite au bout de l'allée. » Rassuré par cet accueil joyeux, qui lui parut un bon présage, Demian entraîna Victor sous les bouleaux pleureurs, déjà dépourvus de leurs feuilles, qui formaient une longue avenue conduisant à l'église et sur une terrasse semi-circulaire qui dominait toute la vallée de la Bérézina. Ils trouvèrent en effet le père Arsène. Demian s'approcha à petits pas. À la vue de son juge, toute son assurance venait de tomber et il se sentait en faute, non que l'air du vieillard fût rébarbatif, mais ses yeux bleus clairs semblaient pénétrer si loin dans la conscience du jeune musicien qu'il sentait pour la première fois la responsabilité qu'il avait encourue en emmenant son frère avec lui. Il voulait baiser la main du moine et recevoir sa bénédiction, mais celui-ci le tint un peu à distance par un geste de sa main levée et l'interrogatoire tant redouté de Victor commença avec quelque solennité. « D'où venez-vous, jeune homme ?»« De chez mon père, votre grâce. »« Où allez-vous ? » À Moscou, avec la permission du père Kouzma, sans permission, votre grâce. Monsieur Roussoff le sait-il? Il le sait, votre grâce. Il m'a dit de vous présenter ses respects et de donner de ses nouvelles à sa fille, ainsi qu'à son gendre. Le père Arsène pensa par lui que Demian était d'une force peu ordinaire pour son âge, et qu'il irait loin sans avoir besoin de maître. C'est votre frère, dit-il en indiquant Victor. « Je crois l'avoir vu à Gradovka. »« Oui, votre grâce. »« Que fait-il avec vous ?»« Je l'ai prié de me suivre afin de n'être pas seul dans la vie. »« Victor est beaucoup meilleur et plus sage que moi. »« Ses conseils me seront utiles et salutaires. »« Il ne me paraît pas que ses conseils soient si puissants sur vous, » fit le moine d'un air sérieux. « Car je ne suppose pas que ce soit lui qui vous ait conseillé de partir, ni qui vous ait prié de l'emmener. » Demian baissa la tête. Et Victor, le croyant vaincu, prit sa défense. « Excusez-le, votre grâce, » dit-il d'une voix tremblante. « Le pauvre garçon est si malheureux de se voir interdire la musique. Il n'a pu y résister. Nous nous aimons tendrement, votre grâce. » Le timbre de cette voix émue avait quelque chose de pénétrant qui alla au cœur du vieux moine. Il savait se souvenir de sa jeunesse et des orages que provoque dans le cœur une domination despotique. Il eut pitié de nos amis. Je parlerai à votre père, dit-il, mais c'est à condition que vous ne pousserez pas plus loin la rébellion. Vous lui écrirez que vous êtes honteux de votre faute, que vous espérez son pardon et que vous vous soumettez humblement à ses ordres. Mais il exigera que nous retournions chez lui, fit observer Demian. L'archimandrite étouffa un sourire. Il est trop tard pour rentrer au séminaire, dit-il. Vous en êtes expulsé de plein droit à l'heure présente. Demian faillit sauter de joie. Son frère s'aperçut de son mouvement et lui saisit le bras. Il se contint, mais ses yeux exprimaient tant de joie que le père Arsène n'y put tenir. « Petit brigand, » dit-il en le prenant par l'oreille, « au moins seras-tu un grand artiste ?» D'un mouvement passionné, Demian saisit la main du moine et la baisa avec effusion à deux reprises. « c'est bon, » fit le religieux en retirant sa main. « Tu es un grand coupable, et ton mentor que voilà ne vaut pas mieux que toi. La jolie sagesse que vous avez à vous deux. De quoi allez-vous vivre, malheureux que vous êtes? Qu'est-ce que vous allez manger ?»« De la vache enragée, probablement, » hasarda Demian, qui se permit deux ou trois gambades, modérées cependant par la sainteté du lieu, péristyle d'une église, et consacrée d'ailleurs comme toute la terre du couvent. « Mais si vous saviez, père Arsène, comme ça nous est égal, voulez-vous que je vous fasse un peu de musique ?»« Tu veux me payer en ta monnaie de singe, mauvais garnement, » dit le moine, rajeuni par cette jeunesse. Cette exubérance qui lui rappelait le temps lointain où, simple cadet de marine, il grimpait dans les cordages de son beau vaisseau de guerre. « Eh bien, soit. Allez chez Madame Moutine, et dites-lui qu'à 4 heures j'irai la voir, qu'elle tienne son piano prêt. » Madame Moutine était toujours prête, et son piano aussi. Elle accueillit avec bonté les fugitifs, dont son père lui avait annoncé la visite. Et Victor put s'assurer qu'elle était heureuse. Son grand calme était toujours le même, mais un air de repos et de contentement avait remplacé la mélancolie des jours passés. Le pauvre garçon éprouva une joie sincère à la vue de ce bonheur, et sa tendresse désintéressée emporta de quoi se réjouir pendant les froides journées de solitude et d'hiver qu'ils allaient passer dans la pauvreté. Une sonate, deux sonates, et le père Arsène déclara que c'était assez. Il engagea les jeunes gens à assister aux offices du soir, par esprit de pénitence, dit-il. En réalité, il avait envie de voir ce que dirait Demian de ses chantres, dressés par lui avec un soin tout particulier. La nuit étant venue, on se dirigea vers l'église du couvent. Au-dessus de la porte qui donnait sur l'interminable allée de bouleaux, le moine fit remarquer aux jeunes gens une peinture à fresque. C'était ce qu'on appelle communément le voile de Sainte Véronique, la face du Christ sur un linge tendu aux deux coins supérieurs. Une lampe brûlait jour et nuit devant l'image sainte et permettait de la voir distinctement. « Regardez, » dit-il, « ce n'est pas un véritable prodige. Lorsque les Français ont bombardé le monastère en 1812, leurs biscayens ont frappé cette porte à gauche, à droite, au-dessus, au-dessous de la face du Christ. Le linge est tout troué. Les projectiles sont restés dans la muraille. Seul le divin visage est épargné. » Demian regarda l'image avec curiosité pendant que Victor lui adressait une prière. « Qui est-ce qui a peint cela ? » demanda-t-il. « C'est un homme qui se trouvait ici lors du bombardement. Il venait de finir son travail. La peinture n'était pas encore sèche, à ce qu'on m'a raconté. Il craignait devoir détruire son œuvre. Il n'avait pas assez de foi. Il a fait autre chose dans le couvent. Toutes les fresques sont de lui. Et puis il y a, tout en haut de la maison que j'occupe, un belvédère où il a peint des choses bien curieuses. C'était un homme dans ton genre, » ajouta-t-il en s'adressant à Demian. Il ne croyait guère qu'à la peinture et il eût mieux aimé mourir que de renoncer à ses pinceaux. « Vous me montrerez ce qu'il a fait, père Arsène, n'est-ce pas ? » fit le jeune homme, laissant tomber le reproche indirect et saisissant le fait qui l'intéressait. « Oui, jeune curieux, tu verras cela demain. Viens demander au Seigneur le pardon de tes fautes passées et présentes. Tu as de quoi t'occuper pendant toute la durée de 100 offices. » Ils entrèrent dans l'église et les jeunes gens restèrent un peu en arrière, pendant que l'archimandrite allait occuper son trône pontifical. Les moines, au nombre d'une 60aine environ, vinrent deux par deux s'incliner devant lui. Puis on lui offrit l'encens, qu'il bénit, et soudain, une grandeur inconnue transfigura son visage. Les jeunes gens restèrent stupéfaits, en voyant la majesté que pouvait revêtir cet homme si simple dans la vie ordinaire. L'église était éclairée seulement par les cierges et les lampes qui brûlaient devant les images. Une obscurité presque totale régnait dans les côtés et sous le péristyle intérieur, tandis que le dôme élevé au-dessus du centre s'emplissait d'une vague lueur, d'une sorte de buée lumineuse, produite par la cire et l'huile qui se consumait lentement. La fumée de l'encens montait en spirale dorée jusqu'au haut de la coupole, et sur son trône l'archimandrite, éclairé par un gros cierge que tenait un moine debout auprès de lui, lisait les prières du rituel, d'une voix extraordinairement douce et faible. Il détachait nettement toutes les paroles sacrées. Ses dents blanches et petites brillaient de temps en temps dans sa barbe d'argent qui descendait sur sa poitrine. Son visage, encadré par ses longs cheveux semblables à de la soie blanche, semblait jeter une lueur mystique dans le cœur à demi-obscur. Demian le regardait, caché dans l'ombre, et se disait que cet homme était véritablement grand. Tout à coup, l'archimandrite ferma le livre, le cierge s'éteignit, et la lueur blanche de son visage s'effaça. Une psalmodie sévère sur les cordes les plus graves de 10 riches voix de basse commença lentement, à demi-voix, et le cœur de Demian se serra. Tout ce que la vie peut mettre dans une âme humaine de supplications ardentes, d'espérances déçues, de résignations douloureuses, tout était dans ces simples phrases, courtes comme des sanglots, modulées comme des soupirs. Les ténors reprirent alors en majeur, et leurs voix jeunes et vibrantes parlèrent de luttes passionnées, des travaux de la vie, de la force, et de la jeunesse pliée au labeur matériel pour vaincre des aspirations désormais défendues. Puis les voix se fondirent en un ensemble harmonieux, et une prière humble, pénétrante, souvent répétée, afin d'attendrir la clémente providence, réunit toutes les souffrances, tous les désirs, dans une effusion de tendresse. La voix du père Arsène s'éleva au sein de ce crépuscule et laissa tomber quelques paroles de paix. Le cierge reparut auprès de lui, pendant que le cœur lui répondait en action de grâce. Puis le silence se fit, et il leva sa main droite pour donner la bénédiction. L'un après l'autre, les moines, vêtus de leur robe traînante, enveloppés dans les longs voiles noirs qui tombent de leur haute coiffure, vinrent s'incliner jusqu'à terre devant leur supérieur. Puis les lampes s'éteignirent, et le père Arsène se trouva seul dans l'église avec ses protégés. « Ah !» voulut dire Demian, « ce sont les chants du paradis !» Le moine lui imposa silence de la main. « Demain, » dit-il, « la nuit appartient au Seigneur. » Ils sortirent à pas lents, pénétrés de respect et d'une sorte de crainte pour cet homme auguste que, jusque-là, ils avaient cru simplement bon.